Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille de Koursk, point tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le 5 de juillet 1943, les nazis ont lancé tout probablement pas moins de 50 ou 60 divisions à l'assaut des positions russes dans le saillant de Koursk. Cette offensive des Allemands, et certains spécialistes prévoient qu'elle demeurera sans lendemain, s'est terminée par un échec retentissant. Le correspondant de guerre pour Radio-Canada à Londres, Paul Barrette, le 11 août 1943. Le 11 août 1943, on sait, ou en tout cas on se doute depuis déjà quelques semaines, près d'un mois, que le vent vient de tourner à Koursk pour les Allemands. En se cassant les dents à Koursk, les Allemands passent en défensive sur le front Est et la suite ne sera qu'une longue succession de reculs dont on connaît maintenant l'issue. Hitler reprend espoir. Il a maintenant les moyens de replonger dans son obsession, casser l'armée rouge. Il veut attaquer à Koursk. Les Russes se sont imprudemment enfoncés dans le dispositif allemand. L'occasion est rêvée de les encercler et de les détruire. C'est l'opération Citadelle. Le plus grand affrontement de blindés, la première bataille industrielle de l'histoire, 2700 chars allemands prêts à affronter 3600 chars soviétiques. Mais la supériorité technique du Tigre est écrasante. Les soldats de la Wehrmacht sont repoussés. Ils ont l'impression que l'ennemi sait exactement où ils vont attaquer. Et chaque fois, les chars russes T-34 sont là, en embuscade. La guerre a déjà coûté à l'Allemagne 2 millions de soldats tués, blessés ou disparus. Et ce ne sont pas les Waffen-SS qui vont combler les vides. On est loin des victoires de la Blitzkrieg, la guerre éclair, de la bataille de France. Koursk est le vrai tournant de la guerre, parce que Hitler passe sur la défensive. Extrait du cinquième épisode de cette excellente série Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, réalisée en 2009 par Pascal Clark et Daniel Costel, pour nous faire revivre cet important tournant de la Seconde Guerre mondiale qu'a été la bataille de Koursk. Je reçois Stéphane Roussel, qui est directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On comprend déjà un peu l'importance, avec l'extrait qu'on vient d'entendre, l'importance qu'aura Koursk, mais en quelques mots, en quoi cette bataille-là est si importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Koursk, c'est la dernière tentative des Allemands de reprendre l'initiative. C'est-à-dire qu'ils viennent d'encaisser quelques mois plus tôt une défaite catastrophique à Stalingrad, qui est peut-être la bataille la plus connue sur le front oriental. Et c'est la dernière tentative de Hitler de renverser le cours des choses, tentative qui va échouer. Et à partir de là, on l'a très bien entendu dans l'extrait, les Allemands sont sur la défensive. Une position qui ne leur convient vraiment pas. L'armée allemande est une armée qui est offensive. Mais Koursk va drainer les dernières ressources que les Allemands peuvent jeter dans la bataille pour tenter de renverser le cours de la guerre, à l'exception peut-être de la bataille des Ardennes, donc, que vous avez traitée ici. Ouais. Mais autrement, à partir de là, la tendance est donnée. Et Koursk sur le front Est, je vous écoute, c'est un petit peu, dans la tête d'Hitler probablement, le match revanche sur Stalingrad. Absolument. Hitler veut, a besoin désespérément d'une victoire à l'été 1943. D'abord, en raison de cette défaite écrasante à Stalingrad, il doit remonter le moral du peuple allemand, il doit remonter le moral de l'armée allemande, il doit rassurer ses alliés aussi qui commencent à douter de sa capacité à emporter la guerre. Donc, il a absolument besoin, pour des raisons politiques, mais aussi stratégiques, de remporter cette victoire-là. Ouais. On écoutait dans cet extrait, on entendait en fait Mathieu Kassovitz, le narrateur d'Apocalypse, rappeler que c'est la bataille de Koursk, peut-être la première bataille industrielle. C'est une des raisons, il y a quelques raisons qui rendent cette bataille-là, pour vous, c'est presque une obsession. Vous nous parliez de ce sujet-là depuis des mois. Pourquoi c'est si intéressant, important, cette bataille de Koursk? C'est une bataille qui est devenue mythique dans l'histoire. Encore dans l'extrait, on l'entendait, on dit souvent c'est la plus grande bataille de blindés de l'histoire, ce qui est contestable. On peut peut-être trouver d'autres exemples. Mais quand on regarde Koursk, c'est, selon moi, un exemple, en fait, c'est une de ces batailles immenses dont aujourd'hui on ne peut à peine imaginer l'ampleur. À Koursk, les Allemands vont réunir 900 000 soldats. pour mener cette offensive. Les Soviétiques vont les attendre avec plus de 2 millions de soldats. C'est une ampleur inimaginable. Ouais. Et quant au nombre de véhicules blindés, par exemple, qui sont engagés dans la bataille, certains vont jusqu'à dire qu'il y en a jusqu'à 10 000, ce qui est encore aujourd'hui tout à fait inimaginable. Donc, ça montre l'ampleur de ces combats-là, l'ampleur du prix que les Soviétiques sont aussi prêts à payer pour repousser les nazis et pour leur arracher la victoire. Donc, elle est symbolique sur ce plan-là aussi. C'est une bataille, encore une fois, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on parle de la Première Guerre mondiale, avec le nombre d'hommes sur le front, cette ligne, ils s'affrontent, mais avec des moyens qui sont ceux de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, tout à fait. Elle ressemble sur bien des plans. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez une masse de soldats, ou dans ce cas-ci, de blindés, que l'on projette dans un assaut frontal sur des défenses qui sont extrêmement élaborées, avec le résultat qu'il y a des pertes catastrophiques pour des gains territoriaux insignifiants, ce qui ressemble tout à fait à la Première Guerre mondiale. Et le champ de bataille, la manière dont les Soviétiques vont se préparer, ça rappelle parfaitement la bataille de la Somme ou la bataille de Verdun. Ouais. La signification, l'importance, encore une fois, un dernier petit mot là-dessus, parce que en histoire, l'histoire, ça évolue, ce qu'on appelle l'historiographie. Et ça va bouger avec le temps. Quel poids a vraiment eu Kursk dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale? Et c'est pour l'historien aussi qui regarde la façon dont on écrit l'histoire, Kursk a ce signe intéressant qu'on a très longtemps connu cette bataille-là uniquement à travers le témoignage de certains généraux allemands et surtout soviétiques qui, naturellement, ont un intérêt à minimiser leurs erreurs ou à grandir leur succès. Si bien qu'elle a pris un sens où, selon lui, a donné une importance peut-être plus grande que nature, encore que ce soit difficile parce que c'est déjà un affrontement immense, mais le sens véritable est aussi, c'est-à-dire l'ampleur des pertes, l'ampleur des gains ou des échecs, ont été largement modifiés par cette vision-là. Depuis les années 90, les historiens ont accès aux archives allemandes et soviétiques et on se rend compte que certaines batailles, on pourrait y revenir, notamment l'engagement de Prokhorovka, qui est à l'intérieur de la bataille de Kursk, n'a pas l'ampleur que l'histoire lui a donnée. Donc, si vous voulez, on est amené, sans réduire l'importance de cette bataille, à tout le moins en nuancer un peu le sens. Ça reste un tournant, mais à une certaine époque, on était... Délire, c'est peut-être trop fort, mais il y avait une romantisation de la... Une très grande romantisation, effectivement, de cette bataille-là. Anniversaire. Il y a 2 ans, le 22 juin 1941, l'Allemagne ouvrait les hostilités contre l'Union soviétique. Une grande date dans l'histoire de cette guerre, une grande date dans l'histoire du monde. Devançant les intentions de Moscou, les armées du Reich portent les premiers coups. Mais devant la menace que constituent pour tout notre continent les gigantesques préparatifs de l'armée rouge, l'Europe se joint à l'Allemagne. C'est d'abord l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, la Slovaquie. Puis, dans les pays non belligérants, les légions de volontaires se lèvent. Des hommes quittent leur foyer afin de donner leur vie pour la nouvelle Europe. Des Belges, des Danois, des Hollandais, des Norvégiens, des Baltes, ceux des provinces de l'Est, des Croates. Des Français aussi qui ont compris que notre pays devait être présent là-bas pour la sauvegarde de notre civilisation. Des Espagnols enfin qui se sont souvenus de la guerre civile qui déchira leur patrie. Le sens même de ce conflit, c'est d'épargner au monde d'aussi affreuses visions. C'est d'éloigner à jamais de nos pays le danger bolchevique. C'est de constituer enfin une Europe libre et unie. Extrait d'un film de propagande pro-nazi produit par la France du régime de Vichy en juin 1943, quelques semaines seulement avant le déclenchement de la bataille de Kursk le 5 juillet 1943. On a tendance à l'oublier, mais c'est hallucinant ce qu'on vient d'entendre. Au fond, c'était ça, la France de Vichy. Stéphane Roussel, c'est un film allemand, en français, qu'on vient d'entendre. Ça nous permet quand même de situer la bataille de Kursk dans son contexte plus large. Où en est cette Allemagne nazie, les forces de l'Axe, où en est tout ce monde par rapport aux forces alliées? À ce moment-là, au moment où est déclenchée la bataille de Kursk en juillet 1943. L'année 1943, c'est le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à partir de cette année-là que les choses changent. En fait, la dynamique de la guerre change complètement. Jusqu'en 1942, les Allemands accumulaient victoire. Ça devient victoire après victoire et ça devient de plus en plus difficile, mais ils étaient toujours sur l'offensive. Et au début, c'est hallucinant, c'est vitesse grand V. Là. On l'entendait un peu plus tôt dans l'extrait précédent, la fameuse Blitzkrieg. La guerre éclair. Oui, quand ils rentrent en France, c'est super rapide. Mm-hmm. Ça, c'est le début de la guerre. Oui, les deux premières, en fait, de 1939 jusqu'à décembre 1941, en fait, c'est comme s'il n'y avait absolument rien pour arrêter les Allemands. Lorsque l'Allemagne attaque l'Union soviétique en juin 1941, ils accumulent des victoires d'une ampleur encore aussi difficilement imaginable aujourd'hui. On parle de millions de Soviétiques qui sont prisonniers, autant qui sont tués ou qui sont blessés. Il n'y a rien. Il semble qu'il n'y a absolument rien pour arrêter l'armée allemande. La seule chose qui semble pouvoir arrêter l'armée allemande, c'est l'hiver. Oui. C'est ce qui va... On dit que les Soviétiques ont été chanceux en 1941 d'absorber l'avance allemande, mais c'est grâce à l'hiver. Les Soviétiques ont été chanceux à Stalingrad parce qu'il y avait l'hiver aussi paralysé littéralement les Allemands. Or, Koursk va montrer que ce n'est pas vrai. Koursk, c'est la première grande victoire soviétique remportée pendant l'été. Les Soviétiques montrent qu'ils sont capables de battre les Allemands. Oui. Et quand on parle de l'année 1943, une autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que le temps presse pour les Allemands. Parce qu'on voit que la campagne d'Afrique du Nord est sur le point d'être liquidée, c'est-à-dire que les forces allemandes et italiennes en Afrique du Nord sont vaincues. Et on sait très bien qu'un débarquement allié qui va se produire en 1943-1944. Donc, le temps presse. Il faut liquider l'ennemi soviétique ou il faut à tout le moins être capable de remporter une victoire suffisamment importante pour neutraliser les Soviétiques et ensuite se retourner et attendre les alliés occidentaux qui vont débarquer bientôt. Puis en plus, le gros des effectifs, vous me corrigerez, mais il est sur le front Est. Hitler, le gros de ses effectifs, il est là. Donc, il faut qu'il... Et puis, il y a le traumatisme de Stalingrad, mais on revient... Pourquoi? Il vient quand même de perdre Stalingrad. Pourquoi il se lance dans cette bataille de Koursk? Donc, il y a effectivement, c'est vrai que le gros de l'armée allemande, on pourrait dire jusqu'à 65 ou 70% des troupes allemandes sont concentrés sur le front russe. On sait qu'on va avoir éventuellement besoin de ces troupes-là pour faire face aux alliés occidentaux. Mais la raison pour laquelle, le plan à course, ce qu'on veut faire, c'est se servir de cette position dans laquelle les Soviétiques se retrouvent après Stalingrad, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ligne de front qui s'étend sur un axe nord-sud à travers la Russie... Une ligne droite, en guillemets, là, à peu près. Oui, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Mais au contraire, il y a une bosse qui s'est formée dans le front. Il y a une saillie, si vous voulez, occupée par les Soviétiques, d'à peu près 150 km sur son axe est-ouest et 200 km sur l'axe nord-sud. Et les Allemands se disent, si on parvient à couper cette poche-là ou à l'encercler, c'est une grande partie de l'armée soviétique qu'on va pouvoir détruire. Et là, on va gagner le temps dont on a besoin pour faire face aux alliés. C'est comme si, au fond, les Soviétiques avaient, avec cette poche-là, les Allemands se disent, ils sont allés trop loin. Ils se sont rendus vulnérables, crevons cet abcès-là. Sauf que, évidemment, donc c'est ça le plan de match, mais évidemment, les Soviétiques savent très bien qu'ils ont créé cette saillie-là. Oui, en fait, le plan des Allemands, il est très visible, c'est-à-dire qu'on va concentrer deux grandes armées blindées au nord et au sud de cette saillie, et on va tenter de la couper à la base. Oui. Les deux armées vont se rejoindre derrière les lignes soviétiques. Les Soviétiques le voient très bien, c'est-à-dire n'importe qui regarde une carte d'état-major. On va être attaqué, ils le savent. Ça va se passer à cet endroit-là. Ouais. Parce que c'est intolérable pour les Allemands d'avoir cette saillie-là dans leur front et les Soviétiques, ça leur sert de tremplin pour la prochaine attaque. Donc, c'est nécessairement là que ça va se passer. Les Soviétiques le savent. Ouais. Et contrairement à ce qu'ils font d'habitude, parce que l'armée soviétique est une armée offensive, le maréchal Yukov parvient à convaincre Staline de rester sur la défensive, de construire des défenses dignes de la Première Guerre mondiale, encore une fois, mais encore plus élaborées, et de dire, on va laisser les Allemands s'épuiser, et lorsqu'ils se seront complètement épuisés, on va contre-attaquer avec toutes les réserves dont on dispose. C'est ça le plan soviétique, donc d'épuiser les Allemands et ensuite de les achever. Parler du maréchal Yukov, ça nous permet de parler des généraux qui vont être importants dans cette bataille-là, qui se retrouvent des deux côtés. C'est vraiment, dans les deux cas, on parle de grosses pointures. L'une de ces figures importantes, c'est le maréchal von Manstein du côté allemand. Von Manstein, dont nous parle le colonel et historien Jean Delmas à l'émission Portrait en 1979. Il est devenu, quand la guerre a éclaté contre l'Union soviétique, il est devenu le commandant d'un corps blindé qui a fait une irruption en force et en profondeur dans la direction de la Duna et de et de Leningrad, et qui il s'est révélé là non plus le stratège, mais le commandant de raid blindé, l'entraîneur d'hommes et le tacticien remarquable. Mais blindé, raid blindé. À la suite de succès, il sera nommé commandant d'armée de la 11e armée allemande qui va être chargé de réduire les défenses de la Crimée. À la suite de succès, il est devenu commandant du groupe d'armée sud et qui a été chargé, au moment où l'armée von Paulus était bloquée dans Stalingrad, de tenter de délivrer Stalingrad. S'il n'a pas réussi à délivrer Paulus à Stalingrad, par contre, il a réussi à permettre l'évacuation des armées allemandes qui étaient encore dans le Caucase et dans le Kouban et à les ramener sur Rostov. Alors, quelle importance il aura, ce maréchal von Manstein, dans cette bataille de course, Stéphane Roussel? Il n'est pas le seul, hein? Il y a vraiment de grosses pointures qui s'affrontent côté allemand et côté soviétique. Dans le cas de Manstein, il s'est déjà fait une réputation. D'abord, on l'a entendu pour certaines des offensives sur le front russe, mais c'est surtout lui qui est à l'origine du plan qui va permettre de vaincre la France en 1940. Donc, il est déjà au plan stratégique établi sa réputation. On le considère parfois comme un des meilleurs généraux allemands de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il est moins connu peut-être que Rommel ou Hans Guderian, donc d'autres généraux. Manstein est au commandement de la pince sud ou de la partie sud de la tenaille allemande. Au nord, on retrouve le maréchal Model, qui, certains le surnomment le pompier du Führer, c'est-à-dire que c'est lui qu'on charge des défenses qui sont presque désespérées. Et curieusement, dans ce cas-là, on va donner un rôle offensif à Model, ce qui n'est pas tout à fait ses meilleures qualifications. Et d'ailleurs, la pince nord que Model commande va rapidement, si vous voulez, s'épuiser contre les défenses soviétiques. Du côté soviétique, encore, on a aussi, parmi le plus connu étant le maréchal Yukov, donc qui va, si vous voulez, donner l'impulsion stratégique à la bataille. C'est lui qui va proposer à Staline le plan de rester sur la défensive avant de lancer une contre-offensive. Au nord, face au général Model, on a le général Rokossovski, qui, lui, va avoir ce flair de deviner l'axe d'avancée des Allemands. Et effectivement, les Allemands ont l'impression que les Soviétiques savent exactement où ils s'en vont. Ouais. Oui, parce que Rokossovski est parvenu à lire, si vous voulez, le plan des Allemands correctement. Au sud, face à Manstein, c'est Vatoutine qui va performer un peu moins bien. En fait, il va se lancer dans des contre-offensives désespérées. Qui est plus jeune, hein? Plus jeune, généralement. Plus jeune, effectivement, et peut-être un peu moins expérimenté. Et aussi, en fait, qui est très ambitieux. Aussi, en fait. Ouais. Donc, ça explique peut-être que dans certaines phases de la bataille, les Russes vont conduire des opérations dont on débat encore de l'utilité aujourd'hui et qui va leur coûter extrêmement cher. Alors, la bataille, elle commence le 5 juillet. Comment ça se déroule sur le terrain? Comme on le disait, c'est une bataille de la Première Guerre mondiale avec les moyens de la Deuxième, c'est-à-dire que les Allemands lancent leur offensive. Un point intéressant aussi, c'est que les Allemands vont, si vous voulez, appliquer une philosophie qu'on va retrouver dans le reste de la guerre, c'est de dire on n'est pas capable de vaincre nos adversaires sur le plan de la quantité, misons sur la qualité. Ouais. Et on va, une des raisons qui va faire que l'offensive allemande sur course, qui est retardée pendant plusieurs semaines avant d'être déclenchée en juillet, c'est qu'on attend de nouvelles armes et en particulier de nouveaux modèles de blindés. Ouais. Donc des chars, des super chars, on pourrait dire, que les Allemands vont mettre à l'avant du front. Et l'idée des Allemands, c'est de dire notre pointe blindée est si puissante que ça va être comme un chalumeau qui va percer toutes les défenses que les Soviétiques vont être capables de faire. Du côté soviétique, non seulement on a des défenses en profondeur extrêmement puissantes, on a mis des millions de mines, on a posé des barbelés, on a fait des tranchées, on a fait des bunkers, on a des nids mitrailleuses, des défenses anti-char extraordinaires. Mais aussi, les soldats soviétiques ont appris à se battre depuis 1941. Le soldat soviétique de 1943 n'est pas celui de 1941. Ils savent, ils connaissent leur ennemi allemand. Donc, ils sont capables d'absorber le choc. Si bien que cette offensive-là, au bout de 4 jours, elle est complètement arrêtée dans la pince nord. c'est beaucoup plus long sur le versant sud du saillant. Ça se réduit des fois à des corps à corps, non pas de soldats, mais de blindés, littéralement, ouais. À Prokhorovka, notamment. On va avoir des affrontements presque à bout portant entre les chars allemands et les engins soviétiques. Et ça serait la grande bataille, là, celle-là, celle du 12 juillet. C'est là où tout bascule, au fond. Effectivement, c'est-à-dire que c'est le moment, si vous voulez, le plus intense. C'est celui qu'on va souvent retenir de la bataille de Koursk. C'est cet affrontement entre la 5e armée blindée soviétique et le deuxième corps des Panzer SS. C'est le moment le plus intense, à en croire l'historiographie originale. Et effectivement, la 5e armée soviétique, 5e armée blindée soviétique, va être laminée au cours de cette bataille-là. Elle va presque à toute fin pratique disparaître. Pour les Allemands, c'est une journée extrêmement intense dans laquelle ils vont investir beaucoup de leurs ressources pour sortir peut-être victorieux sur le plan tactique. Ils vont rester maîtres du champ de bataille, mais ils sont complètement épuisés. Ouais. Et donc, le 13 juillet, en fait, le lendemain, Hitler décide que cette offensive, qui est très coûteuse, doit être arrêtée, non seulement parce qu'on ne parvient pas à percer les défenses soviétiques, mais c'est parce qu'en plus, les alliés occidentaux ont débarqué en Sicile, si vous voulez, et il y a une urgence qui se crée à l'ouest. Ils jettent l'éponge. Et ça va se terminer le 23 août officiellement, mais à partir du 13, 17, mi-juillet, en fait, c'est le début de cette longue... les carottes sont cuites pour les Allemands. C'est le début du long repliement des Allemands. Qu'est-ce qui fait, au final, qu'ils la perdent, cette bataille-là? Parce que vous le disiez, ils misaient sur... La stratégie, c'est on mise sur la qualité par rapport à la quantité. D'abord, on voit très bien que ce calcul-là qui va se répéter à plusieurs reprises au cours de la guerre. Les Allemands vont tenter de renverser le cours de la guerre en mettant non seulement des super blindés sur le terrain, mais aussi on va mettre au point l'avion à réaction et surtout des missiles, les V1, les V2. Tout ça dans la tête de Hitler, ce sont des armes miracles qui vont permettre de gagner la guerre. Koursk est la première indication qui montre que cette stratégie-là ne fonctionne pas. Effectivement, si les Allemands sont capables d'être ce chalumeau qui perce toutes les défenses dans certains point du champ de bataille, sur l'ensemble du champ de bataille, en fait, c'est une guerre d'attrition comme la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Allemands les Soviétiques, généralement, perdent 3 à 4 fois plus de soldats et de matériel que les Allemands dans des batailles comme celle-là. Mais la grande différence entre les deux, c'est que les Allemands ne sont pas capables de remplacer leurs pertes, alors que les Soviétiques ont l'air d'avoir des réserves inépuisables. Ouais. Et enfin, on peut dire que c'est sur le plan industriel que ces batailles-là ont vraiment un impact, parce qu'on voit que entre les deux industries, l'industrie soviétique est en train de battre l'industrie allemande, et les Allemands ne sont pas capables de remplacer à la fois des troupes d'élite puis à la fois du matériel aussi sophistiqué que ce qu'ils ont produit. Et on boucle la boucle, c'est le tournant où l'Allemagne nazie, Hitler, passe en mode défensif. En gros, c'est ça. Tout à fait. À partir de ce moment-là, les Allemands sont sur la défensive. L'armée allemande n'est pas une armée qui est conçue pour être sur un mode défensif. Et en plus, elle doit couvrir un front qui est tellement grand que c'est inévitable. À partir de ce moment-là, les Soviétiques vont donner des coups. Ils vont avancer finalement jusqu'à Berlin. Stéphane Wissel, c'était passionnant, spécialiste des questions de géopolitique, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.